Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Eh bien, vous avez récupéré la fameuse statuette qui apparemment est toujours aussi envoûtée, maudite. Vous avez écouté les divinations et les prophéties de la diseuse de Bonaventure et avez laissé derrière vous l'île des anciens. Ma Vasquez, ses cigares trempés dans le miel et ses requins gigantesques. Pour revenir, hop, auprès d'Havana City. Avec sa douceur de vivre, ses forbans ivres et chantant à tous les coins de rue, et toutes les friponneries que l'on trouve dans la grande rue. Vous voilà donc de retour sur un lieu que vous connaissez bien, qui vous évoque le sable chaud, le repos et le rhum, même si tout ici vous évoque le rhum. Alors avant de partir pour le nord, si vous avez des emplettes ou un peu de temps à reposer, il est l'heure d'indiquer comment vous allez occuper la demi-journée que vous avez devant vous avant de reprendre votre basique pour les archipels plus au nord. De mon côté, j'ai essayé de trouver une boutique qui de pas de souvenirs, mais voilà, qui vendra des objets un peu ésotériques et tout ça. Et j'aimerais essayer de trouver un petit objet qui pourrait me servir de porte-bonheur là-bas. Tu connais une boutique? Vous connaissez tous une boutique qui vend des objets ésotériques qui portent chance? C'est la fameuse boutique de Bernie. Celle-là, tu la connais. Il y en a d'autres, hein. Si tu veux, il y a des petits gris-gris qui sont vendus à droite à gauche, mais si tu... Non, sinon, c'est chez Bernie. Chez Bernie. Tu vas devenir son meilleur client. Exact. Ouais, c'est ça. Mais je me dis qu'il va me faire peut-être un prix. Ouais, il peut. Hein. Allez, tu es chez Bernie Gold. Et en vous voyant arriver, en te voyant arriver, effectivement, là, le sourire aux lèvres et l'œil brillant, lui, spécialiste des portes de bonheur et colifichés en tout genre... des merveilles d'Havana et de la galaxie entière. Écoute. Mais qui vois-je arriver? Mes sauveurs. Alors... Salut Bernie. Tu vas bien? Mais avec votre venue, je vais encore mieux. Tu vois qu'il commence à contourner effectivement son comptoir pour venir te serrer la main. Et à ce moment-là, comme un coup du destin, une sorte de petites balles de divination, une sorte de coquillage roule sous l'un de ses pieds et il fait un espèce de vol plané dans les airs avant de s'étaler de tout son long devant toi. Ouais. Il essaie de se relever. Il remonte, le nez légèrement sanguignolant. Mais attendez, ne me dites pas que... il lève un petit peu la tête. Vous avez bien ramené la statuette, c'est fini tout ça. Alors... pas tout à fait, il faut tout d'abord faire en sorte qu'elle soit plus maudite. Donc, et pour ça, on va partir en voyage pour aller faire en sorte qu'elle ne le soit plus. Donc oui, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais ça va bientôt être fait. Et pour m'accompagner dans ce périple, j'aurais bien voulu un petit truc pour porter chance, voilà, une patte de singe, je sais plus. Ce genre de truc. Une main de singe, une patte de lapin, voilà. Oui, alors ce genre de conifichés existe, mais moi je te... Alors, quel type de chance est-ce que vous voulez? Vous voulez la chance en amour, la chance au lever du hamac, la chance en milieu de journée, la chance pour que les dés gagnent en votre faveur au milieu d'une partie de cartes dans l'espace, la chance pour trouver effectivement l'âme sœur à plusieurs clics d'ici? Dites-moi tout. la chance de ne pas mourir bêtement, peut-être. Ça serait pas mal. Ce genre de chance. Ah. Il commence à fouiller. Il te sort des espèces de colliers avec des dents. Et tenez, regardez, exactement, j'ai ce qu'il vous faut. Il vous suffit d'une dent. Ce sont de véritables dents d'or et ont appartenu aux plus chanceux des pirates. Ils me les ont données, bien évidemment gracieusement, car c'était des grands amis à moi, avant d'aller se retirer et de vivre une vie meilleure sur l'île des Anciens. C'est pour ça que autant de pirates sont édentés là-bas. Il y a autre chose que les dents de personnes qui mangent maintenant plus que du pruneau Alors, si effectivement la chance éternelle de vie et de gloire telle nos anciens ne te conviennent pas, j'ai peut-être autre chose pour toi. Bon, tu vois qu'il y a un espèce de sac, il y a tout un tas de bardas un peu partout. Il ouvre un espèce de sac, il y a des coquillages à l'intérieur. Voici les coquillages sacrés de la baie des sirènes d'Avada. C'est une baie secrète que moi seul connais. Et effectivement, un seul coquillage te confère bonne fortune sur toutes les plages de la galaxie. Ça c'est très bien, voilà. Un flic coquillage. Bah oui, oui. Ouais, oui. Voilà. C'est 2 crédits le coquillage. 2 crédits, bah voilà. Oui, je t'invite à en prendre plein pour augmenter l'effet de chance. Ok, bon, tu sais quoi, tu m'as convaincu, je t'en prends 3. Oh, merci. Allez, je te paierai un verre quand vous m'aurez sorti de ce mauvais pas. Oui, bien sûr. Oh, ça arrête pas de saigner ce truc-là, c'est pas possible aujourd'hui. Essaye de mettre un coquillage dans le nez. Oh, bonne idée. Prends un coquillage allongé qui se fourre dans le pif. Moi, je l'aurais pris en support, mais... Oh, c'est moins désagréable que ce que j'aurais pensé. Oh. Bah vous autres, vous êtes là, vous regardez la scène, vous êtes amusé. Ouais, moi je suis pas allé. Je pense qu'on n'est pas tous allés à la boutique, hein, donc. Non. Moi, je suis allé acheter moi je suis allé à la cantina, hein. Allez, donc toi t'es allé manger. Il y a la Romarie, il y a une grosse cantina effectivement pour aller manger dans la grande rue. Bart, dis-nous tout. Ah bah moi je cherche une table de jeu, parce que j'ai envie de me détendre. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ah bah écoute, tu peux te poser effectivement à une des nombreuses tavernes du coin, une cantina locale, il y en a tout un tas avec différents mets gastronomiques plus ou moins fins, la plupart servent du poisson, hein. Bien évidemment, du poisson et tout un tas de légumes, des patates douces, ce genre de choses, et des fruits. Tu t'installes, et tu vas pouvoir jouer tout ton soul si tu veux, et perdre tout ton argent. Ou pas. C'est tout notre argent, hein, c'est vraiment, hein, parce que c'est lui qui a les finances du groupe. Hein. Alors, je vais faire fructifier nos actifs. Ah, on te regarde. Eh ben écoute, à la table à laquelle tu t'es installé, il y a justement quelques pirates, notamment un espèce de grand gaillard de presque 2 mètres de haut, large comme une armoire à glace, avec effectivement une belle petite crinière légèrement blond vénitien, c'est ça, c'est les fourroux. Blond vénitien, avec une belle moustache, une belle barbe, une belle cicatrice au-dessus de son œil, tu le reconnais à son air renfrogné. C'est Gary. Gary, Hammer Gary le marteau. Ah. Ah bah oui, il est beau, Gary. Sympathique. Exactement. Il y a Gary le marteau, qu'est-ce que tu vas trouver à cette table? Tiens, puisque sa boutique est pas ouverte, puisque là il est pas ouvert, tu vas trouver aussi Tool, le propriétaire de Top Gun, l'armurerie de la planète. Tu vas avoir aussi 2-3 autres pirates et tu vas même avoir qui lui aussi s'apprête à jouer la denrée, le barbier d'Havana, qui effectivement propose encore une fois des coupes ou des coupons de réduction si vous arrivez à perdre contre lui, il vous offrira pour noyer votre chagrin après vous avoir plumé une petite coupe réduit, d'après réduit. Messieurs, accepteriez-vous un joueur supplémentaire à votre table? Il y a un tabouret qui se fait pousser, qui est pris sur le côté pour t'inviter. Et bien évidemment, il y a quelques bouteilles de rhum hein, sur la table, déjà. Une bouteille, des crédits, et tu peux t'asseoir, mon gars. Oh, bah, je peux annuler ma vide, hein. Allez. Je pose la bouteille, les crédits. Et c'est l'heure, c'est ça. Ah bah oui. Il n'y a plus qu'à. Allez, très bien. Bah écoute, tout se passe tranquillement. Tu vas commencer à jouer. Je vais demander à tes camarades avant de revenir vers toi. Tu vas rester combien de temps jouer? Je pense une ou deux heures. Allez. Alors, tiens, puisque tu restes une ou deux heures, tu vas faire un test de jeu, s'il te plaît. Hop. Et tes camarades, ils sont là. Là. Et hop là. J'ai fait 5 succès, moi. Oh là là. Alors. Ah bah hé hey. Je suis pas que addict, hein, je sais aussi jouer. Je suis pas là pour perdre tous mes crédits quand même. Bah écoute, tu commences à jouer tranquillement. Au bout d'une petite heure, tu t'es déjà fait facilement une bonne cinquantaine de crédits. Avec des petites mises. D'ailleurs, il y en a certains qui ont quitté la table, qui ont changé, et ceux qui sont restés ont décidé d'augmenter la mise de départ. Ah. Tu pourras doubler peut-être encore plus ce score. Neve, oui. De ton côté. Neve, ça va quand même pas mal perturber l'élimination et tout, et donc je veux vite en finir avec ça, donc je vais aller voir Annabella au garage pour discuter avec elle de comment je peux fabriquer un poste de radio avec qui permettrait à la diseuse de capter... de capter les ondes et la musique d'Havana, donc je pense que c'est elle la plus à même à me renseigner. Bah après, le plus complexe, on va dire, pour toi, ça va être de récupérer les pièces. Il te faut un tas de pièces détachées, d'un petit peu de tout. Après, elle en a, mais bon. Elle a réfléchi un petit peu, et puis, pour 5 crédits. Et pour 5 crédits, t'as droit à fouiller un peu dans un lot de pièces détachées où tu trouveras sûrement ton reste. Et si tu veux, pour 5 crédits de plus, par chaque temps d'utilisation, tu peux venir utiliser des outils, des fers à souder, tout un tas de petites choses qu'elle a dans son atelier. Donc grosso modo, il faut compter toi déjà 10 crédits pour passer quelques temps dessus. Et tu verras en fonction de l'efficacité de ton bricolage s'il faut qu'il revienne ou pas une fois ou deux. D'accord, ça va, je vais faire ça, ça va très bien. Allez, bah écoute, tu t'y mets tranquillement et tu commences effectivement à bricoler. Donc tu as t'auras le plaisir de nous faire un test en ingénierie, s'il te plaît. Donc c'est une simple difficulté de 8, mais c'est cumulable. C'est-à-dire en fait tu fais des dés à chaque fois pour arriver jusqu'à un total de 8. Et dès que t'es à 8, t'as fini de bricoler, en sachant qu'un test, ça va te prendre à peu près 2 heures de taf, quoi. Marche. Voilà. Comme t'es doué, ça devrait pas te prendre très longtemps. Ok. Belette. Qu'est-ce que tu fais, Belette? Eh ben, va falloir que je m'occupe de re-remplir les réserves de rhum, parce qu'on a dû en utiliser pas mal chez la femme qu'on a été voir, donc c'est important pour moi que le vaisseau soit toujours rempli comme il faut. Puis on aura besoin en rhum. On aura besoin là où on va. Donc je vais de ce pas faire mes emplettes en bouteille, en tonneau. Dans ton magasin favori, la romerie. C'est ça. Il a sa photo, c'est derrière le client. Le meilleur client du mois. Du mois. Voilà, ça fait 2 jours qu'il est là, c'est déjà le client du mois. Mais j'ai la carte, j'ai pris la carte de... La carte de fidélité. De fidélité du magasin. Donc pour 10 litres achetés, un demi-litre offert. Ok, c'est déjà 10 litres d'offertes. Bah écoute, la tarification a pas changé, hein. Donc t'as le classique, le rhum blanc incolore et assez goûtu, hein. un crédit la bouteille. C'est notamment comme c'est du rhum qui est fait sur Havana, c'est celui qui permet, quand vous en buvez, de regagner de vos points de santé. Un PV par bouteille. Et au max, tu peux en consommer autant que ta carrure, hein. Donc tu peux t'en enfiler un tas pour te soigner. Donc t'as le rhum blanc à un crédit, t'as le vieux rhum à 25 crédits. Donc lui, c'est juste qui permet d'améliorer les tests de soins. Ouais. Voilà, le Ruma, qui est un que fait avec l'eau, donc de Ruma, justement, le petit, donc qui est assez doux. Donc lui, c'est pareil, ça refile des PV, donc ça a 5 crédits, c'est meilleur. Il y a du rhum de prison qui vient de Libertad, il a 25 crédits aussi. Donc pareil, un PV, et c'est un truc qui est un peu stimulant. Donc ça te permet d'avoir plus 1 à votre attribut violent. Violent, c'est ce qui fait que vous lancez un dé supplémentaire en Metal Factor, qui est pas comptabilisé dans l'échange. D'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous devez en jeter 2, mais moi, j'en prends qu'un seul. D'accord. Donc ça, en fait, quand t'en bois, c'est que t'as violent plus 1. Donc en gros, t'en jettes 3. Et t'en prends 1. Voilà. Ok. Voilà. Et après, il y a du rhum sauvage, mais là, il y en a pas. Est-ce que au niveau des finances, on est comment? Parce que là, je me rappelle plus trop au niveau de comment on est. Alors, on a un fichier Excel, l'équipage avec les richesses. Alors, attends. on avait mis justement les armements et munitions qu'on avait achetés. Donc là, à l'heure actuelle, en fait, en comptant mes 50 de gains, on est à 12 720 crédits. Ah oui. Ouais. Ouais, mais bon, il y a les soldes, je pense, aussi. Voilà. Donc, on peut pas tout claquer. Au niveau du cargo du vaisseau, j'imagine que c'est quoi? Si je veux prendre une caisse, c'est quoi? Il y a... Ah, tu peux en foutre des caisses, hein, dans un conteneur, tu peux en foutre des caisses. Hein. Et une caisse, c'est genre 10 bouteilles? T'as des caisses de 10 bouteilles, ouais. T'as des caisses de 10, des caisses de 5 et des caisses de 25. Bah, ce que je vais prendre, c'est si une caisse de rhum à 5, ça ferait du coup 50. Ouais, de l'argent en jeu, lui il dépense. Bah ouais, attends, 4 caisses de rhum à 5. Ouais. Donc c'est le rhum. Le rhum à. C'est celui qui est un peu plus doux et parfumé. Voilà. Et c'est plus facile de rien dépêcher avec celui-là, en termes de système de jeu. Voilà, donc ça me fait 4 caisses de ça. Donc en gros, 200 crédits. Pour l'instant, je vais pas aller déjà c'est bien, ça fait quand même du rhum. Et puis, tu peux prendre le basique, le blanc, hein. Ouais, je peux prendre 4 caisses de blanc et 4 caisses de rhum. Voilà, rhum blanc c'est 1 crédit la bouteille et le rhum c'est 5 crédits la bouteille. Je te laisse faire tes calculs. C'est parfait, ça me va. Allez, super. Le 10, hein, c'est ça. Hein. Oui. Ça fait combien? Ça fait 40 bouteilles de A5, donc c'est de 200. 240, du coup. 240 en tout, avec les 40 bouteilles de blanc. Voilà, donc il y en a 80 bouteilles de. En gros, tu fais des allers-retours avec un petit diable jusqu'à votre basique, c'est ça, de la grande rue? Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais c'est important, le rhum. En rentrant un peu, tu vois, faire ça, il va me demander de l'aider. Et du coup, petit à petit, je retourne sur mes pas. Alors, fin jet de poisse. En plus, il vient de voir Bernie, alors on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je vais retourner à la taverne, quoi, au bar. Et à la romerie. Nev, il te faut combien de temps pour pouvoir bricoler et monter ta radio? Donc on a dit 8, c'est ça, hein? Au total, il t'en faut 6. 8. C'est 2 heures par... Ouais, bah voilà, très bien. Ah oh bah 2 heures. Ouais, bah... ouais, je fais 4 heures. 4 voilà, heures. La demi-journée. Voilà, tu es passé la demi-journée. Toi, tu vas l'occuper donc, à bricoler. Et ça aura coûté... 5, 10, 15... 15 crédits. 15 crédits. Ouais. Et j'ai ma radio. Ouais. T'as une jolie petite radio portative. Bart. Oui. Est-ce que tu restes avec la mise de départ qui augmente sur la deuxième heure, sur la deuxième partie de ton temps? Bon, on va tenter, hein. Là pour se détendre. Là pour se détendre. Allez, on va jouer voilà. Alors. Ah ouais, je fais que 3 deux, succès. 3 et 4. Ah, un qui a fait mieux. Un qui a fait mieux de 1. Bah écoute, sur ton pot, t'as perdu 50 crédits. C'est tout. Oh bon, bah j'ai perdu ce que j'ai gagné. C'est ça. Alors qu'il y en a d'autres qui se sont fait beaucoup plus plumés que toi. T'as su te coucher et être malin, être fin stratège. À certains moments. Eh ben écoute, il est maintenant presque l'heure pour vous de vous retrouver. Ça va être la fin de journée. Mmh. Vous vous retrouvez à la romerie? Bah oui, hein, tout à faire. Bah, faut bien boire un coup. Disons qu'on est sûr d'y trouver au moins Belette. Donc. Il y a des chances. Eh bien, écoutez, vous êtes à la romerie. Finalement, alors la fin de journée est arrivée. Vous voyez que la zone, la nuit est devenue beaucoup plus chaude, bien évidemment, et la fête bat son plein. Dans la foule des tavernes du port, les pirates se mettent à boire, beugler, chanter. Il y en a qui se mandalent la tronche bien comme il faut aussi. Certains font quelques duels au poignard. La planète a pris du coup une couleur beaucoup plus festive et intense. Vous êtes retrouvé à la plus ancienne auberge de la planète, la Romerie. Voilà, donc il y a toute une cohue, plein de gens, ça danse, ça chante, ça joue, ça se bagarre, ça chahute comme il faut, dans une ambiance plutôt forbant, sympathique, on va dire, pour l'instant. Oh, pas d'excès ce soir, hein, demande de prendre la route. Regarde Belette. Comment ça? Y a un souci? Parce que moi je suis dans l'excès? Jamais? Non, non, non, non, mais non! J'ai jamais dit ça moi. Ouais, je préfère. Dans l'excès, il est dans l'excès. Je dis ça. Elle n'entraîne pas Nev justement ce soir. Ok, capitaine. Demain. Je la laisse tranquille. Mais ce n'est que repartie remise, Nev. Ah, j'ai pas le droit de boire, je conduis. Ce soir, je conduis. Ouais. Bah, écoutez, alors que vous êtes peut-être attablé ou au bar ou en train de réfléchir où est-ce que vous allez pouvoir vous positionner. La piste de danse se fait un petit peu place, alors que vous entendez des claquements fermes de talons, alors que vous regardez, vous observez les mouvements gracieux et fins de la magnifique Rosa Maria qui, assez rapidement, commence à captiver l'attention de la salle et de à peu près toutes les personnes qui sont attirées par l'argent féminine. Particulièrement celle de Bart. Ah, le capitaine. Ouais, c'est sûr. On se refait pas, hein. Dans l'excès aussi, mais... Donc dites-moi tout, il y en a qui boivent, il y en a qui s'amusent, il y en a qui regardent. Qu'est-ce que vous faites? Bon, occupez votre soirée. Je regarde le capitaine aller doucement, tranquillement... vers Rosa Maria avec... Non, bah, je vais pas la déranger pendant son spectacle. Hein, non, mais je sais que... Je vais siroter... Tu vas pas tarder à y aller. quelques verres de rhum, en fumant un cigare, en regardant le beau spectacle qui nous est offert. Non, moi je picole. De la typicole. Vous m'excusez, mais moi ça me donne vraiment envie de danser aussi. Et je vais pour danser sur la piste. Hein. Allez. Nev. J'ai honneur à l'équipage. Non, Nev va rester tranquille sans boire excessivement en regardant. Non, sans boire excessivement, j'ai eu peur. Mais non, mais j'ai été blessé, donc il faut que je récupère un peu de force. Donc, c'est une bouteille. Un verre ou deux drogues, après ce qu'a dit Gosset, je suis un peu les consignes, mais pas trop. Quoi. Alors, pour chacune d'entre vous qui êtes attiré par la gente féminine, uniquement, vous devez faire un test de détermination. Si vous ne regardez pas la danseuse, si vous ne regardez pas Rosamaria, votre test il est TF. Mais si vous lui accordez de l'attention, c'est un test normal. Et donc faites juste un test de détermination. Savoir si on entend tout son charme. Ah, parce que c'est particulièrement sensuel. Ah, mais j'ai pas besoin de réussir. Je suis sous son charme, bien évidemment. Je me laisse totalement happé par son charme et sa danse. Allez, sensuel. Toi, tu te laisses happé, y'a pas de soucis. Belette, oui, hein. tu te laisses happé aussi, c'est ça ce que tu disais? Oui, bah vraiment, après. Mais... même si j'aime l'alcool, j'aime les femmes aussi, donc c'est une belle femme, bon, même si je suis peut-être moins sous le charme que peut être notre capitaine, ça reste une très belle femme, et voilà, donc oui, je pense, je bois tranquillement en la regardant danser, quoi. Ok, Harold. Bah, Harold, lui qui aime les filles comme les garçons, il va le faire du coup, mais bon, il s'intéresse à elle vu qu'il danse en même temps. Ouais. Très bien. Nev, bah, en fait, si tu t'intéresses, que tu es déjà en train de danser, si t'as pas forcément de raison de résister à la tentation plus que ça, c'est pas la peine, c'est juste savoir s'il y en a qui veulent un peu résister ou qui n'ont pas envie de. Ou bah, il n'a pas forcément envie d'être sous son chat, enfin, il n'a pas envie d'être dans la bave. Allez. Tout à fait. On n'est pas non plus les loups de Walt Disney. Hein. Enfin, de Walt Disney, de Tex Avery. Un succès. Peut-être que toi, tu ne l'es pas, mais tu peux voir que dans la rue, il y en a certains qui le sont, par contre. Non, Bar sait se tenir. Et... Allez. Il va plutôt faire son jeu de séduction. Nev, quant à toi. Nev, elle n'est pas attirée du tout par les femmes, mais elle va quand même regarder Rosamaria, parce que bon, bah, c'est une femme, elle a réussi à gagner sa place là-bas, donc elle la regarde, mais plus par intérêt. Ouais. Comme ça. Par un jeu de danse et fascination rythmique. Eh bien, écoute, tu observes la scène et tu vois tes trois camarades, ainsi que beaucoup d'autres en fait être tranquillement attirés sur la piste de danse, puisque vu qu'il y a personne qui tente d'y résister et Harold avec un succès, tu te doutes bien que c'est pas forcément voilà, c'est loupé, c'était une difficulté 3. Et bien en fait vous n'avez qu'une idée en tête, c'est effectivement participer à un moment de séduction, à faire votre parade devant la belle qui est en train de danser et donc de l'impressionner d'une manière ou d'une autre. Donc ma question, donc Harold, je sais que toi t'es en train de danser, donc tu vas danser pour essayer de la séduire. Quant à Belette et Bart, comment vous voulez vous y prendre vous aussi? Alors, j'avoue que le joueur, c'est voilà, est pas forcément un séducteur, hein, mais le personnage oui, donc il va user de son charme en fait habituel, hein, c'est-à-dire je pense des regards, quelques compliments en fait, voilà, ce genre de choses. Hein. Donc tu vas te rapprocher pour aller l'aborder. Oui, sans être lourd ou autre, hein, voilà. Ouais. Belette. Moi, étant donné que je suis pas forcément très gracieux de base, moi, je suis un peu brut de décoiffrage. J'irai plus dans l'idée de d'être en mode viril, tu vois, gonfler un peu les pectoraux, montrer un petit peu la carrure. En tenant son verre de rhum et en la regardant avec un regard de mal, tu vois. D'alpha. Ouais, voilà, genre, tu sais, bah, c'est belette, quoi. Oh, bah, je veux dire, il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, donc... Le fil à couper le rhum. C'est, voilà, c'est plus dans la masculinité, la virilité de pirate qui va essayer de faire passer son... Sa séduction. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il est caliente, ce belette. T'as vu ça? Alors, messieurs, donc, je vais vous demander intensément un test de séduction. Donc, c'est dans présence. Ça va pas être ouf, hein. De 7 succès! Ça ne sert à rien que je le fasse. Face au capitaine! Oh la vache! En plus, c'est moi, bon, hein, j'abandonne. C'est une de mes plus grosses caracs! Non. Voilà, moi c'est. Non, pâté. Ça... Ah là, ouais. C'est hop là, voilà. Belette, aucun succès. Hein. Je danse juste, moi. Je... Il y en a 4. Et 2, 6. Eh ben écoutez, rapidement, alors que plusieurs personnes étaient venues essayer effectivement de danser, d'attirer son attention d'une quelconque manière, il s'avère que Bart, tu fais effectivement toi aussi quelques pirouettes sur toi-même pour faire reculer les manants, les vilains qui tentent effectivement de s'approcher de ta douce. Et dans le lot, il ne reste plus que deux personnes. Toi et, visiblement, une pirate qui a l'air, elle aussi, tout à fait charmante. Donc, c'est une pirate au teint hâlé. Elle porte une veste rouge avec des épaulettes militaires. Hein. Il y a des dorures sur le col noir de sa veste, et sous sa veste une chemise blanche qui, à la manière pirate, est bien ouverte, laissant se dévoiler une partie de sa poitrine, et tu peux observer que, dépassant, tatoué sur sa peau, il y a comme un tatouage noir qui ressemble à une tête de serpent. Elle a un sabre de pirate de belle facture à la ceinture, c'est un pistolet blaster, lui aussi bien ouragé. Bijoux d'or et de diamants viennent compléter sa panoplie et renforcer son attitude plutôt de bonne vivante. Elle a des cheveux aussi noirgés, ondulés, des yeux en amande marron. Et elle aussi s'est approchée pour danser autour de Rosa Maria. La tension a commencé à monter alors que tout un tas de personnes se sont écartées avec leur désillusion. Belette est retournée noyer son chagrin dans la bouteille. Et donc vous pouvez voir qu'il y a une sorte de cercle qui s'est presque établi où il y a Rosa Maria qui est en train de danser. Bien des clients se sont un petit peu arrêtés de parler pour regarder ce qui était en train de se passer. Une sorte de duel informel, et alors que Rosa Maria continue de danser, complètement enivrée hein, par les rythmes torrides de la musique, après quelques instants de silence, la plupart des pirates retournent à leurs occupations en mettant un coup d'œil rapide, avec une forme d'appréhension. Apparemment, il risque d'y avoir un peu de grabuge. Et donc toi, Bart, tu fais face à cette pirate qui, elle aussi, est bien arrêtée sur le fait de séduire Rosa Maria. Alors, comment est-ce que tu vas te prendre? Bah, moi, je dis que la place pour une, la place pour deux. Hein. J'étais sûr qu'il allait dire ça. J'étais sûr. Pas jalouse. Mais j'étais sûr. Le boss. J'ai assez de charme pour les deux. Eh ben écoute, tu peux effectivement refaire, si tu le souhaites, un test de séduction. Bon, on va tenter, hein. Ouais. J'ai 5 succès. Eh ben écoute, quand il y a de la place pour une, il y a de la place pour deux. Tu vois qu'effectivement, la pirate en face de toi se met, t'adresse un sourire enjôleur et se met aussi à danser avec Rosa Maria en essayant d'attirer un peu son attention sans forcément rentrer directement en confrontation avec toi. On va danser à trois. Allez, alors, dansons. Allez, danse difficulté 2, s'il te plaît, Marthe. Ah, d'accord, pardon. J'ai fait 3 succès. Super. Eh ben, écoute, tu danses avec ces dames. Et vous commencez tous les trois, effectivement, à effectuer des passes qui deviennent de plus en plus sensuelles. Apparemment, la plupart des pirates qui s'attendaient à ce que ça se castagne sont pour certains fascinés de savoir ce qui va se passer, pour d'autres déçus. Il y a beaucoup effectivement de loups de Tex Avery dans la pièce qui hurlent et qui applaudissent et qui mettent l'ambiance en même temps. Ça c'est bien mon capitaine. Je le reconnais bien. Je ne sais pas quoi dire. On boit un verre pour le capitaine. À sa santé. Ok, mais juste un seul. Hein. Moi, je conduis demain. Ok, allez. À la santé du capitaine. Ouais, à sa santé, allez. Mais Neb avait discrètement... qu'elle avait pris plusieurs verres, elle n'arrivait pas à les boire, donc elle les avait discrètement mis devant Belette et elle en garde juste un pour boire avec Belette. Ça marche. Je trouvais que c'était un verre magique, il se vidait jamais, Belette. Ouais, ils sont bien ces verres. On pourrait les avoir finis, mais ils ne seront pas encore finis. Allez, et écoutez, vous allez pouvoir finir votre soirée, votre nuit de manière plutôt agréable pour chacun d'entre vous. Barthe. Après un bon moment de danse, quelques verres échangés, Rosa Maria vous proposera à tous les deux de monter avec elle. Et hein. Ça ne se refuse pas, ce genre d'invitation. Ça ne se refuse pas. Nev, Belette, Harold, comment terminez-vous votre nuit ? Au lit ? On retourne au vaisseau pour dormir. De mon côté, je vais continuer un peu à boire avec ceux qui seront restés là. Et puis, à un moment donné, quand j'en aurai assez, j'irai me coucher effectivement au vaisseau. Je pense, de mon côté, je vais essayer de parler un peu avec des gens pour apprendre peut-être à plus connaître la planète dont m'avait parlé la Dissesse de Bonne Aventure, en fait, dans mon présage. Oui. Écoute, tu peux faire un test de recherche. Non, recherche. En perception. 4 succès. Oui. Oh, 4, oh, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, de répondre à aucune de tes questions ou de t'aiguiller, c'est-à-dire que tu reçois beaucoup de messages un petit peu opposés. Il y en a qui disent « Ah, mais oui, je connais une planète où il y a des fleurs comme ça, etc. dans un coin de la galaxie. » Puis il y a une autre personne qui te parle d'un autre coin totalement opposé de la galaxie. Bon, tu comprends rapidement que personne ne sait vraiment de quoi tu parles. Il y a quelques pirates qui, alors, vrai ou faux, mais ont peut-être la délicatesse ou de te dire qu'ils ne savent pas du tout de quoi tu parles et que malgré le fait d'avoir visité plusieurs planètes des Barents, d'avoir traversé l'OCG, notamment la route des contrebandiers de nombreuses fois, ils n'ont jamais croisé, ou en tout cas ils n'ont jamais vu, une seule fleur qui corresponde à la description que tu leur fais. D'accord. Bon, bah. Personne ne connaît cette planète. Mais merci les gars, c'est sympa de pas m'avoir aidé. Neve, pour toi? Ben Neve, elle va pas, donc elle va retourner au vaisseau parce qu'en fait le fait d'avoir bricolé la radio, ça lui a remis le goût à la technologie et donc elle voudrait être donc je retourne au vaisseau pour travailler sur une adaptation possible ou sur améliorer mes connaissances des technologies qu'il y a sur l'île et tout pour pouvoir essayer de la rapprocher ou de l'adapter à la technologie que j'avais étudiée sur les planètes où j'étais quand je travaillais dans la ligue. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, super. Bah écoute, tu te plonges dans des recherches, dans des tests, des expérimentations technologiques et d'ingénierie. Très bien. Donc avec tout un tas de pièces détaché que vous avez, tu fais tes petits bricolages. Bart, qu'est-ce que tu vas apprendre tranquillement de ta soirée, de ta chaude soirée et de ta nuit animée? Donc là, l'autre personne avec qui tu es, l'autre pirate, c'est une capitaine. Donc c'est la capitaine Erika Montoya qui appartient à la confrérie des Black Mamba. D'accord, ouais, bah oui, d'où le serpent, m'en doutais un peu. Voilà, donc à part ça, tu peux apprendre d'elle qu'elle est visiblement, qu'elle a le sang chaud, et qu'elle aime plutôt prendre les devants et imposer sa volonté, que les choses se passent comme elle a envie. Donc si toi t'as pas de soucis, de toute façon, tout va bien se passer pour toi. Expérimenté dans la vie, hein. Exactement. Exactement. Et donc après une nuit charnelle, toi quand tu te réveilleras quelques temps après ou au petit matin, peu importe, quand tu te réveilleras dans une des chambres à l'étage, tu seras tout seul. Ok, bon. Voilà, donc ou au matin ou quoi, en fait tu te réveilleras, tu seras tout seul dans le lit avec de bons souvenirs de la soirée passée. Bah je vais aller tourner au vaisseau. Le reste de l'équipage. Allez, vous vous retrouvez au petit matin après avoir pratiqué vos expérimentations et vous êtes reposé. Cool. Eh ben en route, on a des choses à aller voir au nord. Très bien. Allez, direction le nord d'Havana. Vous filez. À toute allure, Harold. Yep. Alors que vous êtes en train effectivement d'avancer, il y a à un moment donné quelques conditions climatiques avec une légère tempête tropicale. Je vais te demander, s'il te plaît, un simple test de pilotage aérien. Ok. 4 succès. De conditions, voilà, pour passer tranquillement, rester à basse altitude. Et traverser tout ça sans aucune encombre. Vous commencez à arriver dans les zones au nord, donc il y a plusieurs archipels. Et effectivement, ce sont des morceaux de terre qui sont plutôt bas, donc pas vraiment de grandes montagnes dessus. Hein. Il doit y avoir peut-être maximum des hauteurs de 300-400 mètres. Une végétation assez luxuriante. Il y a certains archipels qui sont certains îlots assez rapprochés pour créer des sortes de mangroves aussi. Et vous voyez des formations rocheuses dans l'eau, de-ci, de-là, comme des espèces de grottes assez étranges, et plusieurs créatures visiblement sous-marines à la taille assez impressionnante. Alors, vous distinguez juste des formes, mais pour savoir effectivement où se situent les peuplades du coin, il va vous falloir chercher un petit peu et peut-être sonder les environs. Cybelette, tu es au censeur. C'est fort probable que j'y sois, effectivement. Allez. Une simple difficulté de 1, juste histoire de se remettre dedans un test de censeur pour... Voilà, effectuer un petit balayage, super. Ouais. Donc tu balayes les archipels et tu repères effectivement quelques zones qui semblent, au niveau du retour écho, habitées, ou en tout cas il y a des formations qui sont pas des formations naturelles, très certainement des cahutes, des huttes, une sorte de village installé dans la jungle. Donc vous avez identifié la zone, vous vous posez peut-être non loin, j'imagine, et il faut traverser une partie de la jungle à pied pour vous y rendre. Est-ce que vous avez une manière particulière de vous déplacer, de vous y rendre? Est-ce que vous faites quelque chose de spécifique? Donc le reste de votre équipage, hein, vos matelots vont rester bien évidemment au niveau du basique pour l'entretenir et le protéger. Bon, on va prendre du rhum déjà avec nous. Oui. Voilà. Bien évidemment. C'est ça. Mais je pense qu'on va quand même y aller de manière un peu prudente. Belette ouvre la marche. Et moi, je ferme la marche, peut-être. Et je me mets en deuxième. Ok. Et moi derrière. On va avancer en file indienne, en étant prudent. Allez, très bien. Bon, écoutez, vous avancez prudemment. Donc ça met un petit peu de temps, hein, puisqu'on est encore une fois dans un environnement plutôt dense. Votre périple est assez ralenti. Vous avez sorti machette ou sabre pour vous frayer un chemin, parfois à travers les plantes de la jungle. Et après 2 heures passées à vous faire un petit peu dévorer pour certains par les moustiques environnants, vous commencez à avoir effectivement des formations, des constructions, des effigies qui représentent une sorte qui doivent former une sorte d'énorme crocodile ou un alligator à 6 pattes. Donc c'est fait avec du bois, des bris, des brocs et aussi des morceaux d'ossements. Les effigies elles font à peu près 2 m50, 3 mètres de haut. Et il y en a de plus en plus avec de la coloration rouge, ou bien des tanins naturels, ou bien peut-être du sang. Mais vous sentez effectivement que vous êtes observé à travers la végétation. Les effigies sont positionnées de manière à créer une sorte de chemin. Donc vous n'avez pas trop de doute sur la marche à suivre. Est-ce que vous avez d'autres précautions que vous prenez, notre attitude, ou vous continuez simplement votre chemin? Je pense que je vais simplement dire nous venons en amis, et puis je vais lever une bouteille de rhum, tu vois. Et puis on va continuer à avancer. C'est qui a la statuette? C'est moi, je crois. D'accord. Je crois qu'elle le quitte plus. La statuette le quitte plus vraiment. Ça dépend. Tu veux vérifier, Gassa? Harold? Ouais, je vérifie que je l'ai. La statuette est sur toi. La statuette est sur toi. Elle est toujours sur toi. Elle n'est pas du tout là où tu l'avais positionnée. Elle était, si tu l'avais mis sur une poche sur ta droite, elle est sur la même poche, mais à gauche. Ok. C'est exactement là où tu l'avais mis. Oui, oui. Bah, oui, tout à fait. Ah, ouais. J'aurais mis où? Dans ma poche droite à la place de ma poche gauche. Tu as dû te tromper. Tu confonds souvent ta droite et ta gauche, toi-même. Oui, mais ah, ouais, ça... dans l'espace, ça ne sert pas à grand-chose. Bah oui. Bah écoutez, tu as dit tes quelques mots et vous continuez à avancer, et à peu près même pas une dizaine de minutes hein, plus loin, donc sur un temps assez court, il y a tout un tas de feuillages qui se mettent à bouger et vous voyez une dizaine de havanais sortir des buissons avec. Donc ils sont habillés comme des sauvages, c'est-à-dire très pauvrement vêtus, ils ont des espèces de pagnes pour. Uniquement cacher leurs attributs, des colliers, fait de tressage, de lianes, d'ossements, et porte des sortes de grands chapeaux de déchèche surmontés de chapeaux en paille ou en osier sur la tête. Et ils sont tous armés de lances qui sont taillées au niveau des pointes dans des ossements. Il y a aussi des pointes comme des espèces de grosses griffes qu'ils ont cousues ou qui sont installées dans certains des fois morceaux de tissu et qui leur servent de protection. Ils sortent en pointant leurs lances dans votre direction. Et il y en a un qui a l'air peut-être un peu plus costaud, hein, à la peau complètement noire, qui fait quelques pas et se met à grogner simplement en vous regardant. Salutations, non ami. Et je vais faire deux pas, tu vois, poser une bouteille de rhum par terre et puis reculer de deux pas en signe de bienveillance. Déjà dans un premier temps. Il continue à grogner, il s'approche. Il attrape la bouteille de rhum. Les autres, visiblement, semblent assez tendus. Ils font un demi-pas en pointant leur lance, alors qu'ils approchent, il y a quatre autres sauvages qui arrivent derrière avec des arcs qui bandent dans votre direction avec de longues flèches aux empennages bariolés. Le Havané attrape la bouteille de rhum avec les dents, il la débouche et il boit au goût du mât à l'intérieur. Il vous regarde et il éclate de rire. Vous en faites une gueule. Bon, qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh ben, on a quelque chose qui doit vous appartenir, qu'on a récupéré. Je fais signe à... oui, bien sûr. À Harold. Et je sors la statuette. Alors, tu vas faire trois poches avant de la trouver. Attendez, j'étais sûr qu'elle était... Non, peut-être... Allez, voilà. Voilà. Mais écoute, tu leur ressors cette statuette totalement inoffensive et très sympathique. Alors, quand toi, tu sors la statuette, il manque de s'étouffer alors qu'il était en train de reboire du rhum. Mais moi aussi, ça me fait ça parfois. Amenez-les on va les amener au chef. On va les amener au doyen. Et vous là, pas de geste. Enfin, tranquille quoi. Hein. Tranquille. Comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Mmh. Tranquille. Il continue à s'enfiler la bouteille assez rapidement avant de l'acheter de manière désinvolte dans la jungle une fois qu'elle est vide. Et. Une petite demi-heure après, vous arrivez effectivement au niveau d'un village. Donc c'est des huttes, principalement des huttes, des cases assez simples, faites de bois pour la plupart, de grandes feuilles. Et effectivement, les habitations sont renforcées et décorées à l'aide d'ossements, d'écailles gigantesques. Et donc encore une fois, de ces épines aux signes qui ont été récupérées très certainement de créatures. Vous avez au centre du village une effigie, donc pareil aux autres, sauf qu'elle est à peu près deux fois plus grande, hein, elle doit faire presque 4 mètres de haut. Et devant l'effigie, en train visiblement de prier ou d'effectuer un quelconque vénération, c'est Havané qui se tourne vers vous alors que tout le monde se dirige. Ils échangent quelques mots dans un dialecte que vous comprenez, que vous ne comprenez à peine. Vous comprenez qu'ils se disent, qu'ils se saluent et qu'ils disent que vous avez été amené avec l'effigie. Le doyen se retourne. Alors, lui aussi, hein, il a une lance non loin. Ah, Mumbak me dit que vous êtes venu avec notre trésor. En effet. Il tend ses mains. Lui, Harold. Je lui donne. Hein. Très bien. Encore une fois, après plusieurs poches, tu finis par mettre la main dessus. Il enlève les tissus et effectivement, en voyant de ses yeux la statuette, il semble soulagé. Il y a vraiment son regard, l'expression de son visage qui change. Et il pousse un long soupir. Ah. Bon. Merci à vous. Vous pouvez partir maintenant. Alors, ça nous a dit que apparemment il y avait un truc à l'intérieur parce que il semblerait que alors peut-être la personne qui voulait voler la première fois, je sais pas trop, serait victime de malchance. Si vous parlez de cet escroc de Bernie. Ah bah oui, c'est lui. Eh bien, il va la garder, sa malchance. Ça lui apprendra à ne pas tenir sa parole. D'accord. Bah du coup, y a rien dans la statuette ? Comment ça ? Ne me dites pas qu'en plus il a... Ah. Ouais, il aurait mis quelque chose dedans. Bon, tu vois qu'effectivement, il attrape la statuette et il en dévisse la tête doucement. Alors, il a strictement aucun mal à le faire. Tu vois, Belette, comment on fait ? Il pose la statuette et, en effet, il a l'air un peu surpris. Il en extirpe un tube métallique. Un tube métallique scellé. Donc, un tube métallique d'une... Je sais pas, il doit faire 15 cm, un diamètre de 5-6 cm de diamètre. Juste pour rentrer dedans. Il va le poser et... Ah, quand même. Il retourne la statuette et dans sa main, sous le tube métallique, un petit espace, vous entendez qui tombe de la statuette, un espèce de... Une grosse émeraude. Ah. Mmh. Ah, je me demandais où je l'avais mise. Ce vieil escroc de Bernie. Il a de la chance pour cette fois. Ouais, pour une fois alors. Il fait signe à une personne de la communauté d'approcher. Il lui donne l'émeraude. La personne part et hop, commence à escalader ça. Un jeune, un enfant, il escalade l'énorme effigie jusqu'à aller ficher cette émeraude au niveau de la tête. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez que sous la boue qui a été mise en fait pour bien solidifier la structure, il y a effectivement des points lumineux colorés et il y a au moins une demi-douzaine d'énormes pierres précieuses. Et donc là, il a tout simplement inséré la dernière, une qui devait manquer, ou en tout cas qui était absente. Donc, le vieux a l'air assez embêté. Il aura quand même tenu sa parole. Bon. Psst. Aouh. Oh, yo, yo. Il revisse la statuette. Il la donne à un autre membre de sa communauté qui la prend, la met au pied de l'énorme effigie, commence à sortir des os, des petits trucs pour... très certainement faire quelques rituels pour la resacraliser à leur façon. Quant au vieux, il a une gypsière, un petit sac sur le côté, il fouille à l'intérieur et il sort un petit rond, en fait, des feuilles, plusieurs feuilles qui sont roulées pour former comme une boule. Il te la tend, Bart. Tenez, dites à Bernie de manger ça et que je ne le revois plus. Ok, c'est... En fait, si vous avez volé la statuette et l'un des bijoux de votre statue, c'est ça ? Il avait pour tâche, en échange, de nombre de nos richesses, coquillages, poissons, ossements sacrés... de nous trouver le dernier œil pour le grand Spike Claw. Et en même temps, il se retourne, il lève les bras devant l'effigie. Cet idiot avait disparu depuis bien longtemps avec notre effigie. Il avait dit qu'elle en avait besoin pour négocier avec quelqu'un et revenir avec le dernier œil de notre vénérable. Bon, puisque visiblement vous m'avez ramené la statuette et l'œil, voici la pâte qu'il doit mâcher. Dites bien qu'il doit tout manger jusqu'à la dernière miette. Ok, ça marche. Et du coup, le tube, c'est l'âne métallique, là. Oui, quoi? Vous voulez en faire quelque chose? Bah, non, oui. Ouais. Ce n'est pas à moi, j'allais jeter. Bah, je vais vous en débarrasser. Ah ouais, ça va coller. En plus, ça va polluer par ici, je veux dire, vous êtes en pleine nature. C'est recyclable, c'est mieux. Je le mettrai dans une poubelle jaune. Il fait un signe et quelqu'un t'apporte le tube métallique. Moi, j'ai une petite question. Bernie m'a vendu quelques coquillages. J'espère que ce n'est pas des coquillages qui viennent de vos plages et qui vont me maudire moi aussi. Hein. Là, je sors les trois coquillages que j'ai achetés. Hein. Oh, de belles pièces. Vous pourrez facilement séduire l'être aimé avec ça. Ouh là. Attirer de belles proies si vous les utilisez pour pêcher. Pêcher le crabe notamment. Le gros crabe violet des plages. Ça fait une belle affaire, Harold. Oui, moi, on est d'accord. Conquérir l'être aimé et chasser, c'est pas en offrant le coquillage ou en l'utilisant comme hameçon. Hein. Que voulez-vous en faire alors? Le mettre sur votre tête et chanter? Mais, oh là là! Je cherchais des porte-bonheur. Eh bien justement, vous aurez la fortune pour manger et pour vous reproduire. C'est déjà ça. Vous m'avez l'air tout frêle, tout maigre. Vous ne mangez pas assez, je suis sûr. Les pirates comme ça, toujours dans l'espace. Jamais à se requinquer. Et ils ne boivent pas assez aussi. Non mais je ne peux pas boire. Je ne peux pas boire. Je conduis, je pilote. Excuse-moi. Si vous voulez vraiment avoir de la chance, peut-être voudriez-vous rester quelque temps avec nous. Je serais ravi que un membre extérieur de la tribu puisse participer à la cérémonie de la chasse. Cérémonie de la chasse? Oui, les plus forts de nos guerriers doivent aller conquérir l'âme d'un Spike Claw. Ça peut être sympa, ça. Et c'est quoi ça? Ceux qui survivent ont le droit, après, s'ils le veulent, de quitter la tribu. Après, bon, nous, on peut déjà quitter la tribu, quoi. Bien sûr. Oui. Mais t'auras le droit deux fois. Ah, t'auras doublement le droit. Non, mais ce que je veux... Et vous aurez prouvé votre valeur, votre force d'âme, votre puissance en tant qu'homme libre et fier. Et pas en tant que vermicelle. Merci. Ça reste les gens de mon équipage, hein. On va se calmer. Non, mais c'est surtout... on a plein de choses à faire, je vous avoue. Ouais. Et puis moi, je suis pas... Si jamais tu veux participer, t'attends, il n'y a pas de souci. Pas un souci, vous inquiétez pas, on va pas déranger. Bon. Allez. Pour vous remercier d'avoir ramené la statuette, il manquerait plus que on dise de notre tribu que nous ne sommes que des sauvages, adorateurs d'une créature violente et carnivore. Tiens, amène-leur un petit peu de... Oui, voilà, exactement. La bave de l'estomac des Spike Claw. Une personne qui arrive avec une bouteille. C'est visiblement une sorte d'alcool. De temps voilà, en main. Je vais la garder pour l'instant. Ouais. Pourra toujours servir pour décaper les pièces. Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, c'est un liquide qui est un peu... c'est un liquide marronasse avec... à l'intérieur, il y a des trucs, ça fait comme des morceaux un petit peu... Tu sais... un petit peu plus gros, un petit peu gélatineux ou de moisi, tu sais pas trop, qui flotte à l'intérieur. Mmh. Et à l'intérieur, il y a aussi un petit lézard tout gonflé. Ouais, un crapaud à lézard. Voilà, t'as des racines aussi, des plantes avec des feuilles, quelques racines. C'est fermé avec, solidement avec un bouchon. L'envie t'en prend juste d'ouvrir pour renifler le truc, ça te débouche les naseaux bien comme il faut. Je vais demander au chef... Oh, garde ça pour chef, plus tard. Quelles sont ses vertus Le chef te regarde, il serre le poing en le levant vers toi, il fait « Cela renforce la robustesse d'un homme au combat, à tous les combats !» D'accord. C'est une bonne boisson. Oui. Attention de ne pas trop en boire. Ton gabarit me laisse à penser que tu ne pourrais pas trop l'encaisser. À moi ? À toi ? Oui, blanc, mon ami, tu n'es pas d'ici. Fais attention quand tu en bois. Ok. Oui, faut faire attention. Non, mais prends pas ça comme un défi, hein, Belette. Non, je te vois venir, là. Je te vois venir. Non. Je garde l'information, grand chef. Et je garde la bouteille. Allez. Et si vous n'avez pas l'habitude de boire des alcools forts, évitez de le faire si vous n'êtes pas au calme. Hein. Attention, oui, cela vient tout droit de la bile de Spyclaw. Ok, cool. Bah merci pour ce magnifique présent. Et bah on va pas vous déranger plus longtemps. Hein. À prendre congé. Merci beaucoup hein, et à une prochaine peut-être. Et vous salue. Ouais. Une petite chasse ou... Ou faire le plein, si jamais c'est bien. Alors quand tu pars, justement, tu vois, en passant un petit peu, en commençant à rentrer, en faisant chemin. Alors il y a deux personnes qui vont vous escorter pour retrouver votre chemin. Donc en sortant, tu vois, à côté, dans une case en fait, des espèces d'organes un petit peu difformes et étranges. Et il y a des gens qui mâchent des racines et qui recrachent en fait ce qu'ils ont pu mastiquer dans une espèce de bol, après c'est pilé. Et ça s'est mis dans des bouteilles avec d'autres liquides, avec des fois des petits lézards dedans. L'avantage, vu que si c'est très alcoolisé, c'est que c'est désinfecté. C'est artisanal. Ouais. C'est bien. Ouais. Ouais. Ouais, je pense que on goûtera ça quand même. Ouais. C'est sûr. Mais on gardera ça pour une bonne occasion. Ok, capitaine. Ouais. Allez, vous avez peut-être l'occasion de voir en partant, alors qu'il y a des groupes de jeunes de la tribu qui visiblement se préparent à partir plusieurs jours, une énorme peau de crocodile, vraiment gigantesque, doit faire au moins 7 ou 8 mètres de long, un truc vraiment gigantesque. Il y a Cludo et effectivement, ça a l'air d'être une espèce de crocodile ou alligator géant avec au moins une dizaine ou une douzaine d'yeux un peu malveillants. Et le dos de la peau est hérissé de pointes. Voilà. Oh, alors, c'est ça. Alors les 6 pattes ont été coupées, mais vous voyez qu'il doit avoir 6 pattes aussi. Et pareil, c'est un morceau de sa queue qui a été coupé après. Donc déjà, juste le morceau de la bestiole que vous voyez là, c'est absolument gigantesque. Et donc les jeunes se mettent en dessous, ils la portent au-dessus d'eux. Et ils récitent des espèces de chants. Là, il y a d'autres personnes qui viennent et qui leur mettent des peintures rituelles, tout simplement. Okay. Ils vont juste aller à la pêche, si tu demandes. Ils vont pas aller à la chasse, au rituel de chasse, parce que c'est pas là. Ouais. Ils font ça une fois uniquement... une fois tous les deux cycles, quand c'est la troisième pleine lune, et donc le prochain, ça va être dans quelques semaines. Ok. Ah bah voilà, on pourra revenir à ce moment-là, Rol. Ouais, voilà, on reviendra à ce moment-là. Je vais arrêter avec toi. Moi, ça me dérange pas, hein. je suis trop fort à la chasse. J'avoue qu'on sera peut-être reparti dans l'espace.